Zami, famille Shekina, bon Dieu béni. Merci parce que vous avez suivi la vidéo. Nous souhaitons que vous ayez une bénédiction pour vous. Et nous avons une vidéo dans le service nous, chaque dimanche. Chaque dimanche, vous êtes capable de connecter avec nous sur Shekina.fm. Deuxième bagaille que nous avons demandé, nous avons encouragé vous. Abonnez avec Paysa. Nous avons une bénédiction pour vous. Bon Dieu béni. Mais qui j'en pour enregistrer pour 4 jours de conférence dans l'année ça? Voyez mon conférence par WhatsApp dans 786 912 99 38 et puis on va recevoir un lien. Ou bien, vous pouvez aller en bas page de nous à Shekina.fm, cliquez dans le lien numéro 25 là. Ou bien, une page qui ouvre devant, rempli, pendant que mettez nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, adresse autorité et puis cochez combien de jours que vous avez fait. L'heure finie ou après continuer. Là, on affiche une autre page devant. Remplis pour qu'on prenne un ticket Paola. Fais ça qu'on y a. T'en prie, pas faire screenshot ticket. Bon Dieu béni. 4 jours de conférence. Venez expérimenter avec nous la gloire de Dieu. Tabernacle de gloire a présenté 4 jours de conférence extraordinaire. Adoration, louange, délivrance. Déclaration prophétique. Nous déclarons que c'est pour toute mentalité de pauvreté brisée dans la vie. Sorti 17 juillet pour arriver 20 juillet 2025. Année ça, n'a pas gagné avec nous. Pasteur David Antoui. God said, let us make man in our image, and the Father are one. I am the express image. If God is cloning the church into the image, that is Genesis story now. Pasteur Juan Carlos Arrigan. ¿Sabes por qué te preocupa lo que alguien está hablando de ti? Porque dejaste de escuchar a Dios. Cuando estás escuchando a Dios, no te preocupa lo que estén hablando de ti. Pasteur Marcelo Tunazi. Dans le monde spirituel, in the spiritual world, il y a des choses qui sont en train de se faire. Many things are happening. Il y a des bruits de victoire. There are sounds. Il y a des bruits d'impact. There are sounds. Il y a des bruits de chute. Des esprits. Falling of spirits. Et quand il tombe, victoire, victory. Et n'a pas gagné, Bishop Grégory Toussaint. Solution, la puissance de la mer attaque. Qui solution, le quartier général attaque. Qui solution, le Satan, le diable attaque. Quand les flots de la mer mugissent et cuivent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il leur fleuve. Ça veut dire tant de diable attaque. Entrez bifond, entrez dans mon Dieu bifond, entrez dans mon Dieu bifond, entrez dans mon entrez dans mon 4 jours de conférence. Dans 601 Biscayne Boulevard, Miami, Floride, 33132. Préparez-vous pour une expérience surnaturelle. Connectez avec nous sur Shekina.fr. KCA Center, c'est